Pour les amateurs de plein air estival, BR Metal vous offre des foyers extérieurs pour bien égayer votre été. 100% local, fabriqué en usine, venez rencontrer nos spécialistes pour bien vous conseiller. BR Metal, au 353 Gustave Dessureau, Dolbeau-Mistassini, 418-276-5888. Le propriétaire, M. Robin Boulian, souhaite une bonne saison aux golfeurs et il est très heureux de commanditer la chronique de golf du club de Dolbeau-Mistassini. On va parler de golf avec notre ami Sébastien Marceau, la chronique est une commandite de BR Metal. Salut Sébastien. Salut Danny, ça va bien? Ça va bien. Sébastien, écoute, on va parler du tournoi d'ouverture, pas du tournoi d'ouverture, du tournoi bénéfice qui s'en vient à très grand pas. Oui, on a le tournoi bénéfice qui arrive le 8 août. On demande à tous les membres de s'impliquer, on a besoin de bénévoles, ça fait que ça va être une belle journée de golf. On a notre président d'honneur, M. Clapperton, de Produits forestiers résolus des pâtes à Dolbeau. Mmh. C'est notre président. On va avoir plusieurs activités, plusieurs tentes, des jeux sur les trous, un grand cours de potting. Non, ça va être une journée remplie pour tous les membres puis la population de Dolbeau-Mistassini. OK. Tu voulais me parler de qu'est-ce qu'il y a à parler aussi de la Coupe du Moulin, je pense, hein? Le Super Calcutta qu'il y a eu en fin de semaine, samedi, dimanche, on a eu 36 trous, une belle fin de semaine de golf. On a eu 44 participants, une très belle participation. On a le généreux commanditaire de Dumoulin, Camille Vézina, qui nous a commandité $1,000 de prix. Donc, on a eu une belle journée. Tout le monde s'est amusé. On a eu la victoire de M. Daniel Fortin et son équipe. Ouais. Avec un -23 pour deux jours, une très belle journée qui a battu par les autres par quatre coups. Donc, c'est une belle fin de semaine pour eux. Dis-moi, parle-moi maintenant du côté. Y a-tu des trous d'un coup cette année? Jusqu'à date, il n'y a aucun trou d'un coup. Okay. Aucun trou d'un coup cette année, c'est rare, mais cette année, j'ai aucun trou d'un coup de validé. Si j'en ai un, je vais te le dire, Danny, c'est sûr, c'est sûr. OK. Là, on est à la fin des vacances de construction. Est-ce que ça va quand même assez bien, le chandage? Il fait tellement beau, là. Très bien. Oui, c'est ça, il fait beau. Ça fait que le monde vient de jouer, là. Le terrain, il y a du monde. Il y a beaucoup de monde dans le mafia, il y a beaucoup de monde dans les jours, le matin. C'est une belle achalandage au club de golf, ça va très bien. C'est une été parfaite. L'année passée, il faisait trop chaud. Mais cette année, là, on peut pas dire que c'est vraiment une année là écrasante. Là. Il faisait tellement beau, mais à quelque part, il faisait tellement chaud que les joueurs jouaient l'été pas en début de journée, mais dans la journée, ça il faisait trop chaud pour jouer. C'est vrai, mais cette année, c'est juste bien. Un peu partout, puis il fait moins chaud. Hein. C'est moins collant. Il y a moins de canicule. L'année passée, il y a eu une canicule de, pense, 12 ou 13 jours. Cette année, on n'a pas eu de canicule. C'est des journées chaudes, mais le fun à jouer. Là. Il y a du vent, on est capable de jouer pareil, puis on passe une belle journée au club de golf. Ouais. D'autres choses à mentionner en terminant? J'ai Vincent Lemieux qui a participé au tournoi provincial. Oui, oui. En Ontario, c'était quand même une belle expérience pour lui, sa première participation. Il a pas fait la cote, mais pareil, il a quand même participé au provincial. Okay. À part de tout ça, j'ai pas vraiment d'autre chose à te parler. Là. J'ai le tournoi du fils, comme j'ai parlé, le Dumoulin, puis c'est ça. Je pense qu'on a fait le tour de ce qui se passait présentement. OK. Donc, ça fait pas mal le tour. On se reparle la semaine prochaine. On rappelle que cette chronique est une commandite de BR Metal.